Les filles du feu. Livre audio gratuit, un recueil de nouvelles et de poèmes écrit par Gérard de Nerval. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org.